tous balafrés. On a le cœur brisé. On veut tous s'éloigner. On veut se caler. Parce que nos vies se résument à faire des courses poursuites. Tu connais la suite. Le jeu consiste à jamais se faire pécho. Eh ouais, gros, tu sais comment ça se passe dans le ghetto. On vend la merde, essaie de remplir le frigo. Le shit tourne comme la coco. Cela entraîne de la violence à gogo. Peut-être qu'on a pris le mauvais chemin. Tous les jours j'essaie d'être un honnête citoyen. Mais qu'est-ce que tu veux faire, frère? L'état nous pousse avec des mongoliens. Si tu me connais bien, tu serais que j'ai cœur sur la main. Parce que ici, les embrouilles se règlent à coup de surin. Tu vois, pas besoin d'être polière pour être un putain d'écrivain. Au passage, paix aux galériens. Les mecs qui se sentaient classés, dépassés par les événements. C'est vrai, dans ce moment, ce monde est immonde. Ce sens est une incitation à la révolution. Ouais. On est tous pas la vraie. On a le cœur brisé. On veut tous s'éloigner. On veut se caler. En vrai, nos vies sont tracées. C'est soit t'es bon, soit t'es mauvais. Ouais, si je peux conseiller, continue les études. Ça rapporte un max de monnaie. Ouais, c'est ça que tu veux de la monnaie. Alors les gars, faut se réveiller et faire cette putain de monnaie. Fuck les larges, l'argent ne fait pas de bonheur, mais il y contribue. Regarde ce que les grands sont devenus. Soit derrière les barreaux ou des mecs à trois à l'héros. Alors je lance un message de paix à tous les ghettos. J'ai trop la haine, sachez que j'serai toujours là à ceux que j'aime. Ligne de la rue, paix à nos parents qui pendant toutes ces années ont survécu. Respect à ceux comme eux qui devenir dans la rue, ça tire. Pire, les petits fument et boivent du kir. Moi je te dis, même dans les villages, les lasers nuit. On a le cœur brisé. On veut tous s'éloigner. On veut se caler. On est tous pas la frais. Brisé. S'éloigner. On veut se caler. Ouais.